L'amitié, seul le temps la fortifie. Dans son langage, aucune pitié nage là où tout se mortifie. Avec l'âge, elle s'affaiblit au gré des itinéraires. Malgré nos adages, on l'oublie jusqu'au regret funéraire. L'humilité promettait un havre de paix, mais l'oseille a tout délité. Sur son cadavre lit du respect, les rares qui la ressuscitent valent toute métaphore, ce sont des phares les plus forts sur cette route anthracite. La solidarité, mirage ou réalité, un éclairage de qualité quand tout est bipolarité. Ce prénom aussi entraide agit quand tout est menotté. Par magie sur une corde raide lit les hommes en communauté. Le courage, bien sûr qu'il se mesure en acte, il transforme la blessure en rage, nos fissures en un mur intact, comme une armure qui gît là. Et que le cœur savoure à ses sœurs de nos pugilats. Souvent sa sœur se nomme bravo. Subjectif dans mes adjectifs, un jugement de valeur, un engagement à l'heure où tout meurt pour leurs objectifs. Entre faudaires, chez vrai compère dans ce décor d'apocalypse. Prêche mes repères, lâche mes flèches, de la corde et mes clics. Subjectif dans mes adjectifs, un jugement de valeur, un engagement à l'heure où tout meurt pour leurs objectifs. Entre faudaires, chez vrai compère dans ce décor d'apocalypse. Prêche mes repères, lâche mes flèches, de la corde et mes clics. L'honneur, une vie pour l'obtenir, une seconde pour le détruire. En ce monde s'y tenir, c'est s'instruire et reconstruire une ligne, un chemin tortueux. L'empreinte des plus louables, quand par crainte plus rien n'est jouable. Il guide les dignes, les vertueux. La justice un fiasco, sans équité ni principe. L'ai vu quitter Donny Brasco, j'ai vu son vice qui s'émancipe. Donner l'enfer à l'innocent, pour deux trois valises. L'ai vu faire du 10 litres au sang, quand ici le roi balise. L'ambition un cas complexe, poison et remède. À foison me laisse perplexe, mais sans excès m'aide. Elle méprise le talent, flirte avec obstination. Heurte ma procrastination, aux prises avec mes bras ballants. La confiance, elle se meurt dans un bar à paix. Rattrapée par la méfiance, les vues en pleurs se faire frapper. Un soir, croiser le fer avec défiance et trahison. Broyé du noir à l'horizon, écrasé par Lucifer. Subjectif dans mes adjectifs, un jugement de valeur, un engagement à l'heure où tout meurt pour leurs objectifs. Entre faudaires, chez vrai compère dans ce décor d'apocalypse. Prêche mes repères, lâche mes flèches, de la corde et mes clics. Subjectif dans mes adjectifs, un jugement de valeur, un engagement à l'heure où tout meurt pour leurs objectifs. Entre faudaires, chez vrai compère dans ce décor d'apocalypse. Prêche mes repères, lâche mes flèches, de la corde et mes clips. La patience, pouvoir des sûrs, des compétents. Rien qu'à voir combien en ces temps, assurant tout à mes consciences. Elle est l'arme du silencieux, jamais ne se pavane du judicieux. Elle ouvre les vannes, une lame sur l'irrévérencieux. La fidélité, les vues semées, le doute chez l'homme. Coûte que coûte, tout délité pour elle, vu s'arracher des mômes. Grande qualité, elle est de mèche, avec confiance. L'idée d'une moralité, quand le monde prêche la défaillance. La dignité va-t-elle mourir au fil des âges? Les vues secourir l'unité comme nourrir les plus beaux messages. C'est la fierté de l'humilié, l'orgueil du dépossédé, l'écueil à tous ses obsédés, la clarté des gens par milliers. Le partage souvent rime avec lien du sang, un vent de bien dans l'indécent. Quand la déprime tient en otage, gage d'adage sans faux semblant. Quand un des miens soutient le temps d'un drapeau teint en blanc, je chante que rien ne m'appartient. Subjectif dans mes adjectifs, un jugement de valeur, un engagement à l'heure où tout meurt pour leurs objectifs. Entre faudaires, chez vrai compère dans ce décor d'apocalypse. Prêche mes repères, lâche mes flèches, de la corde et mes clics. Subjectif dans mes adjectifs, un jugement de valeur, un engagement à l'heure où tout meurt pour leurs objectifs. Entre faudaires, chez vrai compère dans ce décor d'apocalypse. Prêche mes repères, lâche mes flèches, de la corde et mes clips.